Né à Bruxelles en 1735, entre deux guerres franco-autrichiennes, mort au milieu du congrès de Vienne, le prince de Ligne, officier, écrivain, courtisan et grand seigneur, est un symbole vivant des rapports d'amour-haine entre la France et l'Autriche. Comme il écrit lui-même, ayant habité les deux pays, « Je me suis bien trouvé d'être allemand en France, presque français en Autriche, et valant à l'armée. On perd de sa considération dans le pays qu'on habite tout à fait. » D'un côté, Ligne est français. Le français est la langue parlée et écrite par sa famille, comme par toute l'Europe cultivée. Ils habitent le château de Belœil, que certains appellent le Versailles belge, en Hainaut, terre francophone. C'est l'époque de la dissertation sur l'universalité de la langue française, publiée par son ami Rivarol à Berlin. Voltaire écrivait en 1767 « La langue française se parle à Vienne, à Berlin, à Stockholm, à Moscou. Elle est la langue de l'Europe. » En plus, Ligne est français par son éducation. Tous ses précepteurs viennent de Paris, souvent de l'école Louis-le-Grand, non de Bruxelles ni de Vienne. Il l'élève dans l'amour de la littérature et de l'histoire française. Ce qu'il appelle plus tard cette fleur d'humanité, de littérature et d'urbanité qui fait le charme de ma vie. Continuant cette tradition, plus tard, il héberge à Belœil le père Griffet, prédicateur français qui avait souvent dénoncé dans la chapelle ici les péchés de Louis XV, mais qui à la fin de sa vie dit « Il faut se coller au trône et qu'il faut être toujours du côté de ceux qui ne signent que de leur nom de baptême. » Ligne est aussi français et surtout parisien par ses amitiés et ses vieux philosophes. Il se met du côté des Lumières. Et c'est son adhésion à cette cause qui facilite sa réussite chez Voltaire et chez Rousseau. Dans ses livres rouges restés manuscrits, il écrit des phrases particulièrement osées. Il dénonce l'injustice de la situation de la femme, dont tous les biens appartiennent au mari. Il croit que le mariage ne devrait être que temporaire. Il veut un impôt sur l'héritage pour les grandes fortunes et il affirme que si les peuples ouvraient leurs yeux, tous les trônes disparaîtraient. Une bonne chose que la philosophie a portée avec elle dans presque tous les pays est un parfait mépris pour les grands seigneurs. Le peuple est comme le cheval, il se laisse monter parce qu'il ne connaît pas ses forces. Et après 1766, à la mort de son père, il ne reçoit du gouvernement de Marie-Thérèse à Vienne ni gouvernement de province, ni toison d'or. Il se décrit comme fou de Paris et dégoûté de Vienne. Il voyage sans cesse et vient souvent à Paris, surtout pour deux grands procès sur des héritages à des terres qu'il croit qu'il devrait hériter à Corbie et à Kers en Lorraine. En plus, à Versailles, le rang héréditaire de grand d'Espagne de première classe que possèdent les princes de Ligne depuis 1604 lui donne les entrées de la chambre, ainsi que Louis XIV l'avait décrété en 1700. En 1767, le prince de Ligne est présenté à la cour. Le généalogiste Chérin écrit « La maison de Ligne, une des plus illustres du Hainaut, est connue depuis 1047. Elle a toutes les qualités, ancienneté, richesse, service, dignité et alliance illustre. » Et grâce à ces entrées, Ligne, en mai 1774, peut décrire les derniers jours de Louis XV dans une magnifique lettre à son ami Voltaire. Je cite « Versailles était la lanterne magique la plus curieuse qu'on ait jamais vue ici. L'on n'avait pas oublié la chambre obscure. Comment le pays des grâces peut-il être celui des abominations. Il pleuvait des évêques et des lavements. On courait à la mort du roi comme à la mort du cerf. Il y avait de quoi mourir, de rire ou de pleurer, tant il se passait des choses ridicules ou touchantes ou horribles. Cette pauvre Madame du Barry y était bien intéressante. C'était presque la seule qui ne jouait pas. C'est le seul ministre qui peut se flatter, peut-être, d'avoir quitté la charge sans avoir fait du mal. Mais Lynn doit partir avant la mort même du roi par peur d'être arrêté par ses créanciers. L'année suivante, il rencontre le comte d'Artois lors d'une visite de celui-ci au régiment français sur les frontières des Pays-Bas, près des terres des Lignes à Belœil. Et vous voyez dans ce portrait de Lignes en hussard, comme jeune, le château de Belœil derrière lui. Artois l'invite à Versailles. En 1676, par son charme et son rang, il devient l'intime de Marie-Antoinette et de sa société. Il reçoit l'uniforme du pavillon de chasse de Choisy et le droit de suivre les chasses et les voyages du roi, privilège exceptionnel pour un étranger. Il séjourne donc dans les châteaux royaux. Et l'ambassadeur autrichien, le comte de Mercy-Argenteau, personnage clé de l'époque, écrit à Marie-Thérèse que Lynn jouissait, et je cite, « de la plus grande faveur, la reine l'a traité avec une bonté et une distinction toute particulière. Il soupait très souvent dans les cabinets, était en quelque sorte en intimité avec Monsieur le comte d'Artois. Sa tournure de légèreté et son penchant à la raillerie m'ont fait craindre sa faveur auprès de la reine. » Mais aucun mal n'en suit. Plus tard, il défend la réputation de la reine et de sa cour. Si elle riait, on la traitait de moqueuse. Si elle dînait chez Madame de Polignac, elle était familière. Si elle accueillait bien les étrangers, elle haïssait la France. Si elle donnait des fêtes, elle était bourgeoise. Si elle se promenait la nuit sur la terrasse de Versailles avec ses belles-sœurs, elle était suspecte. Si elle devenait moins frivole, on l'appelle intrigante. En même temps, il remarque, et je cite, « La reine n'a pas négligé un dîner public. Ces jeux de représentation si ennuyeux du mercredi et du dimanche, les mardis des ambassadeurs et des étrangers, les présentations, ce qu'on appelait les révérences, la cour du matin qu'on appelait la toilette de la reine avant le passage de la galerie, pour la messe tous les jours. Grand couvert, grande loge, souper dans les cabinets les mardis et les jeudis, avec les nobles ennuyeux. Et malgré ce qu'on a écrit, la cour de Louis XVI restait très cérémonieuse, très fréquentée par les Français comme par les étrangers et par un nombre croissant de souverains étrangers en voyage. » Lynn montre aussi à quel point, même pour un étranger, la cour reste une bourse d'emploi. En 1679, le contrat de mariage de son fils aîné avec une héritière polonaise est signé par toute la famille royale et il reçoit ensuite le droit d'utiliser un appartement au château des Tuileries. En 1781, grâce à la reine, malgré le peu d'enthousiasme du gouvernement autrichien, son fils cadet, le prince Louis de Ligne, devient second lieutenant dans le régiment des dragons de la reine. Et Ligne prouve aussi l'existence, souvent contestée, d'un parti de la reine et de l'alliance autrichienne, dont a parlé Chantal Grelle tout à l'heure, opposé à la politique française, peut-être au roi lui-même. Plus tard, le marquis de Bombel, diplomate français d'origine lorraine, dont le journal est un des témoignages clés du XVIIIe et du début du XIXe siècle, protégé du ministre de la Maison du Roi, le baron de Breteuil, et ami de Ligne, écrit ces mots terribles. Si l'ambassadeur autrichien, le comte de Mercy-Argenteau, n'était pas né, peut-être Louis XVI serait encore au roi de France. C'est-à-dire que l'ambassadeur autrichien a affiché le rôle politique de la reine, qui avait aidé à rendre le trône impopulaire. Comme dit Bombelle encore en 1792, les Français eussent adoré cette princesse si elle ne se fût pas trop abandonnée à un sentiment qui fait l'éloge de son cœur, celui d'une constante affection pour le pays et la famille où elle naquit, c'est-à-dire l'Autriche. Malgré l'alliance autrichienne, la haine contre l'Autriche à Versailles est aussi forte que le désir d'Autriche d'utiliser la reine. Le comte de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, écrit à Louis XVI qu'il préfère garder la puissance prussienne en Allemagne pour former un rempart contre l'Autriche que garder la maison de Bourbon à Naples et à Parme. Sentiments assez radicaux pour l'époque. Comme beaucoup, Ligne est très partagé sur Louis XVI. Il l'appelle le meilleur des rois, ennemi de l'intrigue, image de Dieu sur terre, mais aussi, et je cite, le plus laid et le plus dégoûtant des hommes. Car derrière son masque d'admiration pour Paris et Versailles, Ligne est loin d'être francophile. Il est né sur les frontières géographiques et métaphysiques entre la France et l'Autriche. Comme bien d'autres étrangers, par exemple son héros Frédéric le Grand ou Catherine II de Russie, il aime la culture française en restant ennemi de la France. Il en est doublement ennemi, comme flamand et comme autrichien. Ligne appelle la Flandre le premier pays du monde. Il partage la haine des Flamands pour le pays dont les armées ont si souvent ravagé le pays. Il chantait dans d'innombrables poèmes la Flandre et en 1790, il pense même se mettre du côté des patriotes brabançons ou flamands en révolte contre l'Autriche. Les premiers républicains de l'Europe moderne, il faut s'en souvenir, 2 ans avant les Français, étaient des Belges. En plus, Ligne est autrichien. La maison d'Autriche règne sur les Pays-Bas méridionaux. Son père écrit en 1741, « La maison du prince de Ligne est accoutumée à faire de plus grands sacrifices à l'auguste maison d'Autriche par rapport à la fidélité inviolable que ses ancêtres lui ont voué depuis 3 siècles. » Et Ligne partage les sentiments de rivalité entre les deux monarchies qui durent malgré le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Plus tard, un ami du prince et de la reine, le comte Esterhazy, hongrois au service de la France, écrit dans ses mémoires ce que pensent beaucoup de Français, que les ministres autrichiens regardent l'abaissement de la maison de Bourbon comme le plus sûr moyen d'élever celle d'Autriche. Le comte de Vaudreuil, écrivant au comte d'Artois de l'Autriche, « L'affaiblissement de la monarchie française a toujours été son système suivi. » Et les écrits de Ligne montrent que ces vues n'étaient pas totalement erronées. Par exemple, il écrit à son intendant Vandenbroek, « Je suis aussi sûr de battre les Français à la guerre que vous en affaires. » Il est officier dans l'armée. Voici Il est officier à l'armée et chambellan à la cour. Le voici en uniforme autrichien peint par Heinsius, le peintre des mesdames, fille du roi. Et il rêve que l'Empire d'Autriche s'étend de la mer Noire à la mer du Nord et que Vienne devienne capitale de l'Europe. En 1785, il commande les troupes autrichiennes à Anvers pendant la crise du Scheldt et il veut la guerre avec la France. il écrit que la France ne fait qu'un 20e de l'Europe qui se moque d'elle. Vergennes, pour son compte, écrit à Louis XVI qu'il tremble que le destin de l'Europe soit entre les mains d'un général aussi léger que le prince de Ligne. Pour Vergennes, Ligne est trop autrichien. Et c'est à cause de Vergennes et de d'autres ministres que Ligne perd ses procès sur ses terres. Comme sa femme avait écrit, et je cite, « Il me semble que le prince de Ligne ne réussit en rien, malgré tout le crédit qu'on lui suppose à la cour de France. Le plus grand seigneur, sans argent, n'a pas plus de crédit qu'un simple bourgeois. » Donc à la fin, du moins avant 1787, la protection de la reine est moins importante que l'opposition des ministres. Et après 1790, dans le monde nouveau créé par la Révolution française, Ligne fait une synthèse de ses sentiments antithétiques d'amour et d'haine pour la France. Il devient ami des émigrés français qui se battent contre le gouvernement français. Il devient un trait d'union entre l'Europe des Lumières et l'Europe de la contre-révolution. Il parle, avant même l'ouverture des États généraux, il exprime son mépris pour les trois ordres sans ordre et la Constitution dont parlent tant de gens dont la tête est si mal constituée. Il définit la Révolution comme « erreur, horreur, stupeur ». Il écrit à Merci Argenteau « Je n'arrête pas de penser à l'infortunée reine et suis plus effrayé que jamais » de la savoir dans les mains de tous ces monstres que je ne verrai jamais, car je ne mettrai plus jamais les pieds ni à Paris ni à Bruxelles. Il s'installe donc à Vienne. Il visite Koblenz, il voudrait être dans l'armée autrichienne se battant contre la France, et je cite, « porter des étendards d'Autriche ou de l'Empire sur les rives du Rhin ou de l'Escaut pour aller égorger des monstres c'est les bords charmants de la Seine. » Et il s'entoure d'émigrés français à Vienne. Sa maison y devient leur asile préféré. Le comte de Salaberry, par exemple, écrit « On se croit dans sa patrie quand on est dans sa maison. » Pour le comte François Descartes, courtisan de Versailles, il était lié à tout ce qui tenait à ces malheureux princes et n'était occupé que de l'infortune. Il accueillait partout les Français avec empressement. Il hébergeait, entre autres, Rivarol, le grand écrivain contre-révolutionnaire, Madame Vigée-Lebrun, la peintre de Marie-Antoinette. Il emploie deux émigrés, le comte Auguste Ségur et Monsieur de Musset, dans son régiment comme adjutant. Et en plus, son secrétaire aide à la composition d'un livre clé du royalisme français, le journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple de Cléry, ancien valet de chambre de Louis XVI. Ce n'est pas uniquement de lui, c'est aussi de Sauveur Le Gros. Et l'édition originale des Lettres et Pensées du maréchal prince de Ligne est publié en 1808 à Londres par un célèbre éditeur émigré, Bernard Dulot, ancien bénédictin, professeur à l'École royale de Sorèze et ami de Chateaubriand. Donc, Ligne reste entouré d'écrivains français. Son hostilité à la France est réservée à son gouvernement. Il écrit qu'il finit sa vie comme il a commencé, en détestant, je cite, « cette détestable, exécrable et abominable nation qui avait été si heureuse pendant 150 ans. Un roi futur devait habiter Compiègne, entouré d'une garde puissante, loin de Paris, qu'il appelle cette grande prostituée. » Et puis après 1804, il devient un observateur perspicace d'une nouvelle cour de France, celle de Napoléon. Et il le juge comme courtisan, il le juge par son style, plus encore que par ses principes. pour Ligne, la proclamation de l'Empire français en 1804 est une offense de goût. Il écrit « S'il ne prenait par an pour lui que 100 000 francs, sans autre représentation que la parade que j'approuve, s'il écoutait, s'il répondait, ce serait le plus grand homme qu'il y ait jamais eu. » Et la récréation d'une cour par Napoléon justifie un peu ce mot de Ligne sur les Français. Jamais peuple n'a été plus fait pour la cour. Le style du nouvel empire, cependant, continue à l'horrifier. Le mauvais goût de seigneur italien perce partout. Une fausse magnificence, des étiquettes et une prétention au respect ôtent les droits qu'il aurait à l'admiration. Quand Napoléon commence à chasser en forêt de Fontainebleau, Ligne écrit « Pourquoi Napoléon fait-il le roi de France, étant le roi du monde ? Quand on chasse les rois, il ne faut pas chasser le cerf. » Et puis, les voyages, les occupations de Vienne par Napoléon donnent à Ligne l'occasion de le citer. Et il y a des conversations extraordinaires de Napoléon citées dans les fragments de l'histoire de ma vie de Ligne. Je cite un peu. Ce mauvais entourage et cette ignorance sur les choses et les gens de François Ier d'Autriche tient toujours à ceux qui sont nés souverains, quoique je ne sache pas toujours tout non plus. Au moins, la connaissance que j'ai un peu vient de ce que j'ai été un particulier, et que du rang de simple soldat, je me suis élevé au trône, où je me suis établi. J'aime à lui donner de l'éclat, et à m'entourer de ce qu'il y a de mieux dans toutes les classes. Donc on voit la présentation de Napoléon comme restaurateur de la monarchie. Mais Ligne l'appelle le petit homme des Tuileries, ou Satan Ier, avec son esprit satanique, âme infernale et puissance diabolique. C'est un être prodigieux, mais il n'y a pas un mot à citer de lui en sensibilité ni élévation. Il fit quelques questions et observations en style un peu haché. Et ce qu'il y a de singulier à la Bourbon, ça c'est quand Ligne le voit à Dresde en 1807, dont il a aussi un peu du balancement en marchant. Est-ce le trône de France qui le donne? Est-ce joué? Ligne admet que Napoléon était l'être le plus prodigieux qui ait existé, mais ajoutait avec un mépris d'Autrichien. Et puis, combien de temps durera cette mosaïque de l'Empire? Une chute de cheval, tout revient en confusion. Napoléon est l'exemple, la terreur, le soutien et le fléau des rois. Enfin, voilà Ligne, pro patria non timidus mori, mais il a plusieurs patries. Enfin, en 1809, comme a dit Jacques-Olivier Boudon, l'Autriche se défend comme 40 ans auparavant, par son âme traditionnelle, le mariage dynastique. Et il croit que c'est le seul moyen de vivre encore quelques années en paix. En plus, Napoléon menace l'Autriche, si elle refuse ce mariage, d'être inondée de faux billets de banque. Donc, et Ligne joue un peu un rôle d'intermédiaire, parce que le prince Trautmannsdorff lui a laissé entendre que son maître ne s'opposerait pas à une telle union. Ligne écrit des lettres à ses amis à Paris, dont le comte de Narbonne, aide-de-camp préféré de l'empereur, pour favoriser ce mariage. Il disait « Il vaut mieux qu'une archiduchesse soit immolée que la monarchie. » Et un autre lien, et voici un tableau magnifique de Hoechle sur la demande en main de l'archiduchesse que vous voyez devant vous. À gauche, il y a le maréchal Berthier. L'empereur François se tient debout. À ses côtés, il y a le prince de Metternich. Et tout à fait à droite, on voit le prince de ligne. Il est là en tant que capitaine de la garde des Trabans de l'empereur, observant tout. Et un autre qui est sans doute devant nous à droite, un autre lien entre Marie-Antoinette et Marie-Louise. Ce n'est pas seulement son rang d'archiduchesse, mais il y a l'ami le plus intime de Ligne, le comte Alexandre de la Borde, fils du banquier de la reine Jean-Joseph de la Borde, qui a aussi servi d'intermédiaire dans les négociations de mariage. Et un lien de plus est une preuve que les partisans de la reine Marie-Antoinette aimaient peu les Bourbons. C'est le fait que beaucoup de ceux-ci, par exemple les descendants de Breteuil, les nobles lorrains comme les Choiseul et les Haussonville et le neveu de Mercier Argenteau, servent Napoléon avec enthousiasme et fidélité. Et quand Ligne rencontre Marie-Louise en 1812 à Prague, il en est presque aussi admirateur que de sa grand-tante. Sa francophilie renaît à la cour. Quelle magnificence à cette cour de France que je viens de quitter à Prague, où j'ai été 15 jours. Son impératrice bonne, sensible, généreuse et si bien faite, a tant de fraîcheur, une si belle gorge, qu'avec l'air de la représentation, outre cela, elle est presque jolie. C'était un petit bout de Paris que je tenais, jusqu'au Jean-Blanc, écuyer et page. Tout ce monde était fort bien. Ils sont redevenus français. Et ultime trahison, il trouve les duchesses de l'Empire plus belles que celles de Versailles. Et, 1813, l'Autriche tient encore pour Napoléon quelques mois. Et puis, il y a la bataille des nations à Leipzig, dont vous avez devant vous un tableau. Il y a le maréchal prince de Schwarzenberg qui annonce la victoire aux trois souverains alliés. Et c'est une réplique au tableau célèbre de Gérard qui représente Napoléon à Austerlitz. C'est la réponse de l'Autriche à ce tableau-là. Et ce tableau annonce la prééminence de l'Autriche en Allemagne comme en Italie et la diminution de la France au XIXe siècle. Et en 1814, pour la dernière fois de sa vie, Ligne reste un lien entre la France et l'Autriche. Il est un des rares Viennois à apprécier cette infortunée impératrice Louise et à continuer à la visiter à Vienne. Et il voit aussi le duc de Reichstadt qui dit, quand on l'annonce, le maréchal prince de Ligne, est-ce un de ces maréchaux qui ont trahi papa? Et sur son lit de mort, Reichstadt demande qu'on lui lit les ouvrages militaires du maréchal prince de Ligne. Et au congrès de Vienne, Ligne essaie d'aider. Oui, voilà le congrès de Vienne par Isabey. On voit Talleyrand assis à la table, là à droite. Au congrès, Ligne essaie d'aider Talleyrand à former une alliance entre la France, l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie et la Prusse. Et c'est un mot anti-russe parce que le tsar danse souvent, que son mot célèbre, le congrès ne marche pas, mais il danse. Et Talleyrand utilise le salon du prince de Ligne comme terrain d'observation. La vie et les écrits du prince de Ligne montrent donc à quel point les destins de la France et de l'Autriche et de la dynastie, souvent opposés, sont aussi souvent liés et toujours compliqués. Merci de votre attention.